gasolina. Si mo sobre tu Borussia. It's fuck up. In the AOI. Si mo foutu toi, mais j'ai ta scène bouge. La cause à simple, quand mon pote fait crédit pour des potes qui bougent. Quand tu m'ignores, c'est le blues. C'est le soir à fond, j'ai craché le B12. Au lieu de m'observer, ben surveille ton épouse. Je la fais, monsieur, en bouille, sur les feux au quartier hiver. Quand mes téléphones sont endettés, bol pour le flouze. Pour des choses ou des choses grandes de valeur. Si t'es fait péter, tu courais à deux à l'heure. On en boit de toutes les couleurs. C'est banal de se raconter nos malheurs. Elle fait la violence, elle est super douce. C'est pas le vaillant, on a le super 12. Il faut que je mélange tout ça. Elle fait la violence, elle est super douce. C'est pas le vaillant, on a le super 12. Il faut que je mélange tout ça. Oubliez-moi, je me mets en ligne. Ça se balade avec le brolic. Ce soir, c'est pélagolique. Je vais peut-être tanker mon bolide là. C'est quoi sourire la señorita? Peut-être bizarre comme les jolies là. Pourquoi toujours c'est les bons qui partent? Pourquoi toujours c'est les bons qui partent? J'oublie pas d'où je viens, non, je renie pas. Je vais voir une mission de Lolita. Elle a la boco, une boîte d'olipane. Elle a la boco, une boîte d'olipane. D'où je viens, ça vole polite arme. D'où je viens, ça vole polite arme. Mets la gasoline, je m'en sauverai du Borussia. It's fuck up, in the AOI. Je m'en fous de toi, mais j'ai ta scène bouge. La cause à simple, quand mon pote fait crédit pour des potes qui bougent. Quand tu m'ignores, c'est le blues. C'est le soir à fond, j'ai craché le B12. Au lieu de m'observer, ben surveille ton épouse. Je la fais, monsieur, en bouille, sur les feux au quartier hiver. Comme mes téléphones sont endettés, bol pour le flouze. Pour des choses ou des choses grandes de valeur. Si t'es fait péter, tu courais à deux à l'heure. On en boit de toutes les couleurs, c'est banal de se raconter nos malheurs. Elle fait la violence, elle est super douce. C'est pas le vaillant, on a le super 12. Il faut que je mélange tout ça. Il faut que je mélange tout ça. Elle fait la violence, elle est super douce. C'est pas le vaillant, on a le super 12. Il faut que je mélange tout ça. Oubliez-moi, je me mets en ligne là. Ça se balade avec le brolic. Ce soir, je fais l'alcoolique là. Je vais peut-être tanker mon bolide là. C'est quoi sourire la seigneur?